L'amour qu'un pleure doucement. Saxophone, chorus, flair. Sous les décombres, je marche sans lumière. Le vent apporte l'odeur de la poussière. Mes pas résonnent sur l'acier froid. L'ombre m'appelle. Je réponds sans. Les ruines chantent un vieux refrain cassé. Le temps s'efface, les murs sont brisés. J'ai vu des yeux briller dans la nuit noire. Une lueur fragile, un dernier espoir. La ville dort sous un ciel de plomb. Mais mes rêves brûlent comme un feu profond. Tends la main vers un ciel absent. Oh, de fire, don't ever free. In this smoke, our hearts are made. Les cicatrices racontent nos batailles, des histoires de rage, des ombres qui traînent. Je danse encore entre l'ombre et la lumière, un fantôme fier dans ce désert de fer. Le vent murmure des secrets oubliés. Les amers jamais apaisés, mais dans le silence un chant s'élève, une promesse d'aube qui jamais ne s'achève. Keep the flame. Faire la paix, payer en retour. Mais je suis là, toujours debout. Un guerrier blessé, un dernier coup. Les murs racontent des prières brisées, des chants perdus, des voix fatiguées. Mais la foi survit dans chaque regard, même quand l'horizon devient noir. Trouvera enfin notre destin. Tape des mains, marche avec moi. Fais résonner la poussière sous nos pas. Plus de saints. s'élève, prête à rejoindre. Hold the light, keep it burning bright. Hold the light, hold the light. Hold me close in the rusting flame. Whisper, carry with. Na na na.